J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve ce matin, puis j'hésitais, je me dis, est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle? Finalement, je me suis dit, bon, je vais en parler. Par rapport à, comme aussi le texte que je parle, bon, c'est quoi une entité? À mes yeux, une entité, c'est jamais réel. C'est jamais réel. Un être humain, ça peut être réel. Mais un être humain, c'est pas une entité, c'est un homme ou une femme. Mais bon, le rêve que j'ai fait, c'est par rapport justement, c'est quoi des entités, c'est quoi ces affaires-là. Le rêve, c'est un rêve lucide qui est devenu lucide, c'est-à-dire que je me trouvais dans une grande maison remplie de gens. Puis à un moment donné, j'ai su que c'était un décor, puis j'ai compris que c'était un rêve. Puis je me suis mis à le crier, vu le caractère que j'ai. Bon, puis la maison s'est vidée. Je me suis ramassé tout seul dans la maison, à l'exception, il restait une personne. C'est pas une personne, c'est une représentation de personne. Puis ça avait pris l'image de ma conjointe, qui maintenait un discours avec un discours ridicule, une vibration de merde. Je sentais que c'était pas elle, que c'était un simulacre. On va le dire comme ça. Donc, je me suis mis, j'ai pris sa tête entre mes mains. Puis, je me suis mis à faire des. Comment je pourrais dire ça? Je me suis mis à parler, à faire ce qu'on pourrait dire des injonctions. Au nom du Nazaréen, ben oui, comme les chrétiens, sachant l'efficacité que ça a et l'autorité que ça a. Puis, étrangement, je sentais dans mes rêves, ben, rêve entre guillemets, là, c'est plus un. C'est autre chose qu'un rêve, tant qu'à moi. Je sentais dans mes mains le crâne rétrécir. Puis l'entité, entre guillemets, me suppliait d'arrêter. Puis j'ai donné l'injonction qu'on soit ramené sur nos plans respectifs. Puis je me suis réveillé. Ouais. Donc c'est ça, le rêve, entre guillemets, que j'ai eu ce matin. Puis par après, je me suis réveillé, puis je me suis réendormi. Puis j'ai fait d'autres rêves, mais des rêves qu'on pourrait qualifier d'égrégoriels, c'est-à-dire des constructions, bon, beaucoup moins intenses, beaucoup moins intéressantes. Donc, c'est ce que j'avais à dire.